Thank you. Serons-nous la prochaine fois ? Que serons-nous la prochaine fois ?

d'or clandestin, tournant les pages du destin. Ne sais pas.